Eh, la fille de ma mère, c'est Jackie, Benji et Denig Marron là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Oulala, l'adim, haqqa, haqqa, din islam, c'est eux. Mais qu'est-ce que c'est pas Jackie et Benji, ça, qu'est-ce que tu racontes? Fille de ma mère, ils ont deux airs. Regarde, regarde, regarde, la nouvelle Clio. La nouvelle Clio, là. Double airbag, 4 gens. La fille de ma mère, je vais aller les voir. Ouais. Viens, va les voir, la fille de ma mère, viens, va les voir. Viens, va les voir, viens, va les voir. Vas-y, viens, mais c'est toi qui parles, moi, je parle pas. Moi, j'ai pas peur. Ouais, excuse-moi Renoir, t'es pas le chanteur, le mec Denek Marron qui passe à la télévision. Si. Toi t'es lequel, Jackie ou Benji? A chaque fois je confonds, je sais pas qui est qui. Moi c'est Benji, mais t'inquiète, Jackie et Benji, c'est la même cousin, la même famille, la même équipe, le même tandem. Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul ou quoi? T'es pas avec tes sources de PC ou du secteur? Non là, j'ai rendez-vous, calmement, j'attends Jackie en ce moment. On tape l'album dans un studio près d'ici. La musique ça rapporte, hein, faut ouvrir les portes, hein. T'as touché du Zéo, pareil que tu roules en Merco. Hey, qu'est-ce tu veux mon vieux, on fait aller. Faut pas se laisser aller. Y'a des hauts, y'a des bas, mais on essaye d'en profiter. L'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Si la zig paye, tout va bien, on fait ce qu'on aime, on se plaint pas. T'as pas un plan, une soirée VIP. Toi tu rentres partout, t'es au fichal à Paris. Désolé, j'suis pas trop chaud business, ni même tracé paillettes. J'évite les nuits blanches au milieu des stars et des starlettes. Mais t'inquiète, y'a pas de problème, si tu veux, on se reverra, qui sait. T'es sûr, hein? T'en fais pas. Mais dis-moi si j'te saoule, hein, si j'te prends la tête, hein. T'as vu, moi j'm'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non. Jusqu'ici tout va bien, si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien, si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Ah ben justement, là, y'a Jackie qui arrive, là, c'est lui dans la voiture. La vie de ma mère, je vois les deux dans la même journée. Alors Jackie, bien ou quoi? Eh, ça va et toi? Justement, je disais à Benji que j'aime bien ce que vous faites. Restez simple, faut pas que le succès vous monte à la tête. T'inquiète, on reste les mêmes. Sur mes blanches baskets, des lyrics dangereux et du gros son qui pète. Mais dis-moi, on vous voit plus là-bas, du côté de chez vous, ouais. C'est fini la cité maintenant. Eh, il a menti, c'est lui qui dit qu'il nous voit plus dans la Tessie. Ma force vient d'en bas afin d'aiguiser nos écrits. Je suis un homme de terrain, à la vie, à la mort. Darchar, c'est le capital de la banlieue nord. C'est le 9-5, je connais des mecs là-bas. Ce qui paraît, vous aimez pas trop les mecs du 9-3. Non, on n'écoute pas les ondis. Ouais. Tout ça, on s'en fout. On fait du sang pour la masse, pour que les gens bougent. Quel que soit ton bled, peu importe où tu te trouves. Si ton son est bon, il mettra tout le monde d'accord. Que tu viennes du sud, de l'est, de l'ouest au ou du fait, nord. Au fait, bien le morceau Gladiator 2002. Mais tout ça, c'est fini ou c'est toujours la guerre entre vous deux? Chacun fait sa vie, chacun de son côté. Le public a décidé qu'il a emporté. Mais moi aussi je rappe, je fais du rap hardcore. Y'aura moyen de passer un soir à contre-feu. En ce moment c'est tendu, mais laisse-moi ton funtel. Et le jour où y'a moyen, t'inquiète pas, je te rappelle. Au fait, t'as vu, avec 2-3 potos, j'ai une marque de streetwear. Je vous laisse un suite, on sait jamais s'il y a une promo à faire, hein. Ok, bah vas-y, hein, laisse toujours, mais franchement, je te promets rien, t'as vu? Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Ma mère, moi je t'avais dit qu'ils étaient cool. Ça va, tu les as bien sucés, ça va, t'es content? Mais là, le chétan, la vie, ma mère, ils sont bien. T'as même plus de rouge à lèvres, tellement tu les as. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'autre super bien beau gosse. C'est la dernière fois, écoute-moi, c'est la dernière fois que je traîne avec toi. T'es un rageur. Eh, je te jure, t'es un rageur. Vas-y. Ah, le rageur. T'as pas de rageur. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. Mais dis-moi si je te saoule, hein, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête, hein. Non, non, non, jusqu'ici tout va bien. Si tu me prenais la tête, j'aurais déjà fait mon chemin. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. C'est pourri ce qu'ils font. Rageur, mais je suis pas un rageur, c'est toi le rageur. Tu veux que je dise quelque chose? Je sais que t'as mal à la tête parce que t'as pas de l'argent. Mais comment tu parles toi? Non mais tu veux que je dise quelque chose? Eh, mais je vais te. Attends, non. Eh, mais je vais te poquer toi finalement toi. Eh, je vais te dire un truc. Eh, vas-y, viens. T'as mal à la tête, t'as pas beaucoup de l'argent, hein? Et, hein? Non, bouffon.